Alors, vous l'avez dit, entre Paris et Vienne, il y a Nancy. Et dans tous les exposés qui ont été faits, la Lorraine n'est apparue qu'en filigrane. Et bien sûr, Mme Seldinger nous a rappelé quand même que la Lorraine avait joué un rôle entre les Bourbons et les Habsbourg. Et bon, aujourd'hui, je vais vous parler de cette vision, une vision un peu singulière, une vision un peu particulière de l'histoire, de notre histoire, et pour la période de la Révolution et de l'Empire. Alors, compte tenu du temps qui va me rester, je serai obligé de marcher au canon, de brûler des étapes, et vous m'en excuserez. Alors, à l'aube de la Révolution, la Lorraine, l'espace historique lorrain est loin d'être unifié. Les trois évêchés et les anciens duchés, qui en forment la partie principale, constituent deux généralités distinctes. Mais il existe de multiples enclaves, de principautés et de seigneuries relevant directement de l'Empire, notamment la principauté de Salm, les comtés de Créange, de Dabot, de Puttelange, de Sarverden, la baronnie de Raville, les seigneuries de Rodemack, de Lixin-Roulin, l'office de Lemberg du comté de Hanau. Ces territoires, bien sûr, sont annexés ou réunis au département de la Moselle à la Révolution, en 1793. Et on peut remarquer aussi que ce territoire s'étend encore largement au-delà de la Sarre, et que la frontière du département de la Moselle ne sera définitivement fixée qu'en 1815. Alors, lorsque des géomètres et des géographes tentent d'effacer l'histoire, l'espace lorrain est divisé en quatre départements, en abandonnant des parcelles d'ailleurs de son territoire aux six départements limitrophes. Mais, selon le comte d'Haussenville, je cite, « la politique n'est pas à ce point la maîtresse en ce monde qu'il lui soit donné de trancher sur le champ et comme un coup de hache la vie même des nations ». En effet, l'histoire de cet espace est particulière. Et il existe notamment des liens séculaires entre la Lorraine et l'Autriche. Alors, sans remonter aux sources très lointaines, nous pouvons citer brièvement, à partir de la guerre de 30 ans, l'engagement de Lorrain à la bataille de la Montagne Blanche, 1620, des compagnons de Wallenstein, notamment Nicolas Desfour. La cour du duc Charles V à Innsbruck, la levée du siège de Vienne et les campagnes de Hongrie. Ensuite, le règne du duc Léopold de Lorraine, neveu de l'empereur Léopold d'Autriche, qui entretient des régiments lorrains au sein de l'armée impériale. C'est également le mariage du duc François III de Lorraine avec l'archiduchesse Marie-Thérèse en 1736, qui est suivi du départ en Autriche de la famille ducale, de la dispersion de la cour de Lunéville et de l'élection impériale de François de Lorraine en 1745. C'est l'alliance franco-autrichienne de 1756, c'est la guerre de 7 ans, qui voit affluer les officiers lorrains dans les régiments de l'armée impériale, ce sont encore les milliers de familles lorraines qui émigrent dans le banat de Temesvar. C'est enfin, on l'a vu, en 1770, le mariage du dauphin avec l'archiduchesse Marie-Antoinette, dans lequel, alors c'est une nuance, Madame Grell, pardonnez-moi, ce n'est pas là un sentiment politique, mais un sentiment populaire, les Lorrains voient avec plaisir la fille de leur ancien duc devenir leur future reine. À Nancy, le souvenir des princes de l'ancienne maison ducale est pieusement conservé dans la chapelle de l'église des Cordeliers. Où viennent se recueillir l'archiduchesse Marie-Antoinette, en route vers Paris, pour épouser le dauphin, donc le 9 mai 1770, son frère, l'archiduc Maximilien, qui est allé à Versailles et qui repasse par Nancy le 6 mars 1775, et l'empereur Joseph II, en route vers Versailles, le 12 avril 1777. Mais le dernier duc de Lorraine, devenu le continuateur de la ligne des Habsbourg, repose désormais à Vienne. La Révolution de Paris touche rapidement le territoire de la Lorraine, où surviennent quelques-uns des événements les plus emblématiques, comme l'affaire de Nancy, 31 août 1790, puis l'affaire de Varennes, le 22 juin 1791, qui accélère l'émigration. C'est également à travers la Lorraine que se fait l'invasion austro-prussienne de 1792, en particulier par les places de Montmédy, de Thionville, Longwy, Verdun. Lors de ces événements, on observe encore chez les Lorrains un désir d'ordre, un fort sentiment d'attachement monarchique et un secret espoir que l'intervention étrangère contribuera à restaurer, je cite, leur nationalité perdue et leur liberté supprimée. En effet, depuis la cession de la France des duchés de Lorraine et de Bar en 1737, un article du traité de Vienne qui garantissait un gouvernement séparé aux territoires unis au royaume n'a pas été respecté. En 1789, cette application scrupuleuse du traité est à nouveau demandée dans le cahier de doléances du tiers-état du bailliage de Nancy. Pourtant, ne nous y trompons pas. Comme le relèvent avec étonnement les historiens, l'adhésion des Lorrains à la Révolution est massive. On se souvient des grandes figures lorraines de la Révolution, l'abbé Grégoire, François de Neuchâteau, Merlin de Thionville, Boulet de la Meurthe, Armand de la Meuse, Redereur, Pouchotte, etc. Il y a aussi les volontaires, les conscrits, les officiers, les généraux et les maréchaux qui combattent de Valmy à Waterloo. On se souvient des noms de, par exemple, de Oudinot, Excelmans, Duroc, Gouvion-Saint-Cyr, Drouot, Mouton, Ney, Lassalle, Victor, Gérard, etc. Quoi qu'il en soit, lorsque l'Assemblée déclare la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, les liens qui unissent la Lorraine à l'Autriche ne sont pas rompus. En Lorraine, il existe encore des pensionnaires de l'empereur, anciens serviteurs de la cour de Lunéville et officiers de la cour de Vienne rentrés au pays. De même, de nombreux Lorrains sont établis dans les pays héréditaires et les possessions de la maison de Habsbourg, c'est-à-dire en Autriche, en Bohême, en Hongrie, dans les Pays-Bas autrichiens, en Lombardie, en Toscane. On trouve parmi eux des fonctionnaires impériaux, des chambellans, des dignitaires de la cour, que ce soit à Vienne ou à Bruxelles, des dames de l'ordre de la Croix étoilée, des généraux, des colonels, des officiers. L'un d'eux, Victor Chaudelot, écrit dans ses mémoires « Je ne croyais point d'ailleurs, en servant l'Autriche, de servir l'étranger, en ce que son souverain était descendant de François, dernier duc de Lorraine, mon souverain légitime. » Alors cette phrase illustre parfaitement l'état d'esprit de nombreux Lorrains de l'époque, et on peut y ajouter les lignes du baron de Vincent dans ses souvenirs, je cite « Mon père m'avait destiné dès ma naissance à servir la maison d'Autriche. Il ne m'avait inculqué pour ses souverains les sentiments d'attachement qui lui ont été transmis. » Mais pour ceux qui manifestent de tels sentiments, il n'y a d'autre choix que la soumission ou l'émigration. Alors, l'émigration est certes un phénomène minoritaire, mais c'est la partie visible de l'iceberg. Pour ce qui concerne notre propos, même s'il peut paraître anecdotique au niveau national, il est le révélateur d'un aspect particulier de la Révolution en Lorraine et illustre le cas des Lorrains partagés entre la France et l'Autriche. Ainsi, ces émigrés se tournent naturellement vers l'Autriche, patrie de leur reine et pays dont le monarque incarne à leurs yeux la légitimité dynastique. Certains y rejoignent aussi les membres de leur famille qui y vivent depuis plusieurs décennies, voire depuis plus d'un siècle. En dépit de l'avatar du joséphisme, l'Autriche incarne également la défense du catholicisme. L'évêque de Nancy, Monseigneur de Lafare, se réfugie à Vienne et y attire une partie de son clergé. À l'inverse, le clergé du nouveau diocèse de la Meuse choisit massivement l'insoumission et est lourdement frappé par la déportation et la mort sur les pontons de Rochefort. Le départ de la Lorraine est facilité par la proximité immédiate des Pays-Bas autrichiens. En 1791, le commandant de la forteresse de Luxembourg est le général Louis Duhamel de Kerlonde. C'est un officier lorrain passé au service de l'Autriche en 1768. Il se trouve de fait chargé de l'accueil et de la prise en charge des émigrés français qui affluent dans cette place ainsi qu'à Grevenmacher. Cette tutelle des émigrés par un officier général de l'empereur est violemment dénoncée à l'Assemblée en novembre par Merlin de Thionville qui obtient ainsi l'établissement d'un comité de surveillance. Les chefs de famille et leurs fils en état de porter les armes rejoignent l'armée des princes et surtout l'armée de Condé. Cette dernière est, on le sait, d'abord prise en charge par l'Autriche et combat à ses côtés. Après les premiers succès de l'entrée en Lorraine des troupes austro-prussiennes, les Lorrains, partisans de l'ancien ordre, de l'ordre ancien, se tournent vers l'empereur François II. Un émigré de la première heure, un parlementaire assurément, rédige un projet de manifeste de Sa Majesté l'Empereur et Roi à l'entrée de ses troupes dans les provinces de Lorraine et de Bar. Dans ce texte, où le Lorrain met sa profession de foi dans la déclaration de l'empereur, on lit notamment « Nous ne pouvons nous empêcher de jeter un regard de bonté et d'affection particulière sur la Lorraine et le Barrois, sur ces provinces jadis le patrimoine et le berceau de nos augustes aïeux. » Il ajoute plus loin « Peuple de la Lorraine et du Barrois, nous venons vous rendre la religion de vos pères, vos lois, vos tribunaux, vos propriétés, votre liberté envahie par des brigands qui se sont trop longtemps joués de vos malheurs, abreuvés de vos larmes. Nous venons rendre cet antique gouvernement qui, sous vos anciens ducs et les rois leurs successeurs, a fait votre bonheur et qui, par le traité de Vienne, enfreint par d'audacieux novateurs, est devenu partie du droit public de l'Europe. » On le voit, la revendication du mouvement du gouvernement séparé n'est pas morte. Pourtant, c'est le roi Louis XV qui n'a pas respecté le traité de Vienne lorsqu'il a envoyé l'intendant de la Galésière à Nancy. Quoi qu'il en soit, ce projet lorrain contredit le manifeste de Brunswick, qui n'affiche pour but que de rétablir l'autorité du roi et non de s'ingérer dans les affaires intérieures du royaume. Ce projet reste donc lettre morte, et par la suite, les émigrés lorrains ne peuvent que constater que le rétablissement des anciens duchés lorrains n'entre dans les intentions ni de l'Autriche, ni de l'Europe. Les guerres de la Révolution, du Consulat et de l'Empire touchent les Lorrains, devenus sujets de l'Empereur, dans les pays héréditaires de la Maison d'Autriche. C'est d'abord le cas à Bruxelles, des familles des anciens serviteurs du prince Charles Alexandre de Lorraine, ancien gouverneur général des Pays-Bas. Lors de l'invasion française, en 1794, les fonctionnaires impériaux sont rappelés à Vienne, mais ceux qui restent deviennent citoyens français dans les nouveaux départements de la rive gauche, créés en 1795. Il en est de même plus tard pour les Lorrains de Lombardie et de Toscane, lors de l'instauration de la souveraineté française sur la République cisalpine, et plus tard le royaume d'Italie, ainsi que sur le royaume d'Étrurie. Ils doivent alors se soumettre ou s'exiler avec leurs princes. Les annales de la guerre de la première coalition relate la rencontre, restée emblématique, entre Bonaparte, alors général de l'armée d'Italie, et le baron Nicolas Charles de Vincent. Ce dernier est un Lorrain, il est né à Florence, il est émigré, et il est devenu colonel et aide-de-camp de l'empereur François II. Il participe aux négociations de Léoben, le 18 avril 1797. Bonaparte, qui vient de sceller l'accord préliminaire d'un cachet à l'effigie de César, offre sa montre Breguet à Vincent, dont il a remarqué le grand talent. Il n'obtient que cette réplique. Gardez César et son génie, le Rubicon n'est pas dans ses contrées. Quant à la montre, elle ne marque pas encore l'heure où je puisse l'accepter. En effet, l'heure n'est pas non plus venue pour le retour dans la patrie des émigrés de l'armée de Condé. Mais elle sonne avec la paix de Lunéville, le 9 février 1801. Cette paix, qui met fin à la guerre entre la France et l'Autriche, permet notamment de régler juridiquement la question des anciennes principautés relevant de l'Empire en accordant des dédommagements territoriaux aux princes allemands possessionnés en Lorraine. Elle marque aussi le licenciement de l'encombrante armée de Condé en mai 1801. Chateaubriand écrit alors « Quand on licencie une armée, elle retourne dans ses foyers. Avait-il des foyers ? Où devait les guider le bâton que leur permettait à peine de couper dans les bois de l'Allemagne après avoir déposé le mousquet qu'ils avaient pris pour la défense de leur roi ? Pourtant, leur regard se tourne vers la France, où déjà, selon Victor Hugo, Napoléon perce sous Bonaparte. L'ordre règne, l'autorité de l'État est restaurée, la paix religieuse est rétablie par le Concordat de 1801, et la fusion des élites est commencée. Les circonstances qui les ont fait fuir ayant disparu, la plupart des émigrés lorrains se soumettent à la loi d'amnistie générale du 26 avril 1802 et rentrent au pays. C'est tout particulièrement le cas à Metz et dans le pays messin des Coëtlosquets, les Vandel, les Thomas de Pange, qui sont des royalistes. Mais ils sont messins et ils n'ont pas les mêmes liens d'attachement que d'autres Lorrains avec l'ancienne maison de Lorraine. Alors ces autres, à l'inverse, restent en Autriche et passent au service de l'empereur. Les débris de l'armée de Condé sont intégrés aux régiments impériaux réguliers qui reçoivent les officiers lorrains. Parmi les émigrés restés à Vienne, l'influence des Lorrains n'est pas négligeable. On songe d'abord à Monseigneur de Lafare, qui est agent du comte de Provence, mais il y a également les deux derniers représentants de la branche française de la maison de Lorraine. Alors, le prince de Lambesque, Lorraine Lambesque, et son frère, qui porte le titre de prince de Lorraine Vaudémont. Ils sont tous deux généraux de l'armée impériale. Lambesque, l'aîné, est ici protocolairement appelé prince de Lorraine. Une émigrée originaire de Metz, Marie-Victoire Folliot de Crenneville, jeune veuve du colonel Poutet, un Lorrain au service de l'Autriche, est prise en affection par l'impératrice. Celle-ci lui confie ses enfants, notamment l'archiduchesse Marie-Louise, qui la considère comme une amie et une seconde mère. De plus, la souveraine la remarie au vieux comte de Colloredo-Valzé. Pleine de talent et d'esprit, la nouvelle comtesse Colloredo a beaucoup d'influence sur son mari, alors chargé de la diplomatie. Et il semble qu'elle n'est pas étrangère à la décision de l'Autriche d'adhérer à la coalition anglo-russe contre Napoléon. La campagne de 1805 n'est pas heureuse pour l'Autriche. Le vieux comte Colloredo, disgracié, en meurt de chagrin. Celle de 1809 ne l'est pas non plus, et les Lorrains qui servent l'Autriche sont exposés à un nouveau dilemme. En effet, le décret français du 6 avril 1809 permet de traduire devant les commissions militaires tous les Français qui ont pris les armes contre la France depuis le 1er avril 1804. Une nouvelle amnistie est accordée le 24 avril 1810, mais le décret précédent est prorogé jusqu'au 1er avril 1812. Les officiers français sont invités à rentrer en France et l'empereur d'Autriche, qui est devenu l'allié de Napoléon, ne cherche pas à les retenir. Lorsque le colonel Roussel Durbal sollicite de l'empereur l'autorisation de rester dans ses états, il ne reçoit que cette réponse « Mon gendre a raison, il faut que chaque chien s'en aille à son chenil ». Il passe donc au service de Napoléon, qui le nomme général, tout comme le font le général Louis Bayet de la Tour et de nombreux autres Lorrains. Mais d'autres refusent de servir celui qu'ils considèrent comme l'usurpateur, risquant d'une part la condamnation à mort par contumace en France ou le placement en non-activité en Autriche. C'est le cas par exemple du général Nicolas-Charles de Vincent, dont on parle encore, du lieutenant-colonel Fisson du Montet, du colonel Chaudelot, du capitaine de Spinette, etc. L'éphémère alliance franco-autrichienne a une autre conséquence, on l'a vu, c'est le mariage à l'archiduchesse Marie-Louise. Celle-ci n'est pas enthousiaste, et le 23 janvier 1810, elle écrit à Victoire Poutet, la fille de son ancienne gouvernante qui est devenue sa confidente, je cite, « Je sais que on me marie déjà à Vienne avec le grand Napoléon. J'espère que cela restera au discours, et vous suis bien obligée, ma chère Victoire, pour votre beau souhait à ce sujet, je forme des vœux afin qu'ils ne s'exécutent pas. Et si cela devait se faire, je crois que je serai la seule qui ne s'en réjouirait pas. » Mais le mariage se fait, et peu après, le 11 mai, Marie-Louise écrit de nouveau à sa confidente « Peut-être que dans ce moment, vous êtes déjà mariée et goûtez un bonheur aussi inaltérable que le mien. » Si le prince de Ligne dénonce avec sarcasme le sacrifice de la jeune génisse au Minotaure, les Lorrains y voient avec plaisir une réédition, 50 ans plus tard, du mariage de Marie-Antoinette avec le dauphin. Comme en 1770, les Lorrains attendent avec impatience le passage à Nancy de la descendante de leur duc, qui devient leur nouvelle impératrice. En cette occasion, le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Meurthe s'attache à contenir, je cite, « l'enthousiasme que dans cette partie de la Lorraine, des souvenirs auraient pu égarer. Discours, inscriptions, hommages, relations des cérémonies sont rigoureusement censurés. » Dans l'empressement des Lorrains à acclamer Marie-Louise, on peut démêler une sorte de protestation malicieuse contre l'Empire, l'Empire français. Mais on ne peut l'incriminer, puisque c'est à l'empereur des Français que les hommages semblent s'adresser. À l'inverse, il semble à beaucoup que le mariage de Napoléon avec la fille de prince autrefois si chéri légitime en quelque sorte leur ralliement à la nouvelle patrie. En témoigne peut-être ce quatrain gravé sur l'arc de triomphe érigé pour l'entrée de Marie-Louise à Nancy le 25 mars 1810. Alors, fille de Léopold, hâte-toi de paraître, voix d'un double transport, tous nos cœurs s'enflammer, citoyens et soldats, nous promettons tous d'être français pour te défendre et lorrain pour t'aimer. Bon, bien sûr, Marie-Louise n'est pas la fille de Léopold, elle est la petite fille, mais c'est pris ici au sens générique, et c'est aussi une manière de rappeler qu'elle est arrière-arrière-petite-fille du duc Léopold de Lorraine. Vous voyez cet amalgame. Alors, cependant, si les Lorrains semblent ainsi concilier une identité historique et une citoyenneté nouvelle, le souvenir de l'ancienne dynastie n'est pas totalement éteint. En avril 1814, un groupe de nobles lorrains vont trouver le préfet de Louis XVIII pour lui demander qu'on entame des négociations par l'entremise du tsar Alexandre pour que la Lorraine soit rendue aux descendants de ses ducs. Mais ce n'est pas dans le plan des alliés qui veulent redonner à la France ses frontières de 1789. Lorsqu'il se rend en France, l'empereur d'Autriche, François Ier, ne passe d'ailleurs pas par Nancy, où sa situation aurait été délicate. De même, le gouvernement général de la Lorraine et du Barrois et du pays de Luxembourg n'est pas confié à un Autrichien, mais à un Russe. Après l'abdication de Napoléon et les Cent Jours, les Lorrains qui ne sont pas rentrés au pays en 1801 et en 1810 n'y reviennent en général pas, et ils restent en Autriche. Certains y jouent par la suite un grand rôle dans la politique qu'on appelle le système Metternich. Quelques personnages. Le baron de Vincent, toujours, qui a été blessé à la bataille de Waterloo, qui devient ambassadeur d'Autriche à Paris. Alors, il était autrefois sur le même niveau que Metternich, mais là, Metternich l'a supplanté et il devient subordonné à Metternich. Il y a Jean-Marie Frimont, engagé dans l'armée autrichienne en 1776, général de cavalerie, qui est l'artisan des répressions à Naples, à Lombardie et en Vénétie. Il est créé prince d'Entrodoco. Emmanuel de Mensdorf-Pouilly, présent à Valmy à l'âge de 15 ans, avec son père, général. Il a épousé une princesse de Saxe-Cobourg, qui est la sœur du futur roi des Belges. Donc cette famille va cousiner avec toutes les têtes couronnées d'Europe. Louis de Ficquelmont, engagé au Royal Allemand en 1792, à l'âge de 15 ans, général, ambassadeur d'Autriche à Saint-Pétersbourg. C'est l'artisan du rapprochement entre l'Autriche et la Russie, qui devient ministre, puis chancelier en 1848, donc en pleine révolution. Théodore Bayet-Latour, son cousin germain, ministre de la guerre en 1848. Alors lui a la malchance d'être pris par la foule, lynché et pendu au réverbère devant la résidence de sa famille. Henri de Bombelles, on a parlé, donc c'est un fils de l'ambassadeur de l'Ancien Régime. Henri de Bombelles, ambassadeur, c'est celui qui est complètement à gauche, sur l'image. Il devient gouverneur des archiducs François-Joseph et Maximilien. On veut, pour l'archiduchesse Sophie, veut pour ses enfants des éducateurs qui soient catholiques, qui soient légitimistes, qui soient antilibéraux, etc. Donc les Bombelles sont tout désignés. Enfin, Charles de Bombelles, frère du précédent, qui fut le dernier compagnon et le troisième époux de Marie-Louise. Ainsi, d'une archiduchesse à l'autre, de Marie-Antoinette à Marie-Louise, pardon, la Révolution marque une rupture pour les Lorrains et une clarification. De tout temps, les Lorrains ont été écartelés entre Bourbon et Habsbourg. Le malaise a été patent après la cession des duchés à la France, surtout sous le règne nominal du roi Stanislas. Et on a observé, jusqu'à la Révolution, la persistance du sentiment lorrain. Mais en 1815, il n'y a plus de Lorraine. Les Lorrains sont maintenant définitivement fondus dans la nation française. À l'inverse, de nouvelles familles ont rejoint, à la faveur de l'émigration, les familles lorraines établies dans les possessions des Habsbourg tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour celles-ci, la maison d'Autriche incarne désormais la continuité historique et la légitimité dynastique. Et elle porte, comme le montrent ses armoiries, en paraphrasant Pierre Chaunu, l'obscure mémoire d'une nation disparue. Mesdames, messieurs, j'ai disparu.